Moïse et Darwin. L'homme de la jeunesse comparé à l'homme singe, ou l'enseignement religieux opposé à l'enseignement athée, par le docteur Constantin James. Édition Blood et Barral 1882. Du transformisme. Transformisme synonyme de métamorphose, poème d'Ovide, Darwin aurait pu lui emprunter son invocation, base de son système, lui-même les déclare monstrueuses, à quoi tiennent nos destinées, la sélection naturelle et la lutte pour la vie. Maintenant que nous en avons fini avec la génération spontanée, cette première étape du système de Darwin, arrivons au transformisme, que nous avons dit en représenter la seconde. Nous savons déjà qu'on appelle transformisme la série de changements que tout être vivant est censé avoir subi pour passer d'une espèce à une autre espèce, avant d'être arrivé à sa constitution définitive. Seulement pourquoi avoir créé un mot nouveau pour désigner une chose qui l'est si peu? Car, enfin, l'expression vraie serait métamorphose, les évolutions décrites par Darwin étant de même nature que celles qu'Ovide a chantées dans le poème qui porte ce nom. Aussi le naturaliste anglais aurait-il pu emprunter à Ovide son invocation et s'écrier avec lui: j'entreprends de chanter les métamorphoses qui ont revêtu les corps de formes nouvelles. Dieu, qui avait présidé à ces changements, inspirez mes accords. Que sont en effet, sinon des métamorphoses, les transformations que Darwin a indiquées comme base de son système et qu'il résume comme il suit? Toutes les espèces vivantes dérivent, par mutations successives, d'espèces fossiles antérieures. Ainsi, en remontant toujours, à travers les générations, les époques géologiques, on trouve que la chaîne des êtres devient de plus en plus élémentaire. On arrive ainsi à un type unique, sorte de vésicule germinatif qui a été le point de départ de tout être vivant. Et quoi? Vous écrirez-vous peut-être, la grande classe des vertébrés à laquelle nous appartenons procéderait tout entière d'un même aïeul. Parfaitement. C'est même pour prévenir à cet égard tout équivoque que Darwin commente et complète sa pensée de la manière que voici. L'opinion que des animaux aussi distincts les uns des autres qu'un singe, un éléphant, un oiseau-mouche, un serpent, un crapaud, un poisson, etc., ont pu descendre tous d'un même ancêtre, pour apparaître monstrueuse à tous ceux qui n'ont pas suivi les récents progrès de l'histoire naturelle. Oh, oui, cela pourra paraître monstrueux. À cet égard, je m'inscris en tête de cette classe d'ignorants qui sont restés en dehors du progrès des sciences naturelles, et qui voient dans ces allégations autant de monstruosité. Mais enfin, il ne s'agit pas ici de mes impressions personnelles. La question est beaucoup plus générale, chacun ayant intérêt à savoir pourquoi il est né homme plutôt que serpent, poisson, oiseau, mouche ou crapaud. Et dire qu'il a plané sur nos destinées la même incertitude que sur le marbre du statuaire. Sera-t-il Dieu, table ou cuvette? Car, enfin, Darwin le déclare en toutes lettres, l'individualité de chaque être vivant est la conséquence des conditions physiques où a été originairement placé l'ovule dont il émane. Cet ovule s'est-il trouvé dans un endroit humide, il deviendra poisson, dans un endroit aéré, il deviendra oiseau, dans un endroit obscur, il deviendra taupe, dans un endroit sablonneux, il deviendra dromadaire. Ainsi se seraient formées les espèces vivantes. Si maintenant ces conditions physiques viennent à changer pendant la période d'évolution de l'ovule, celui-ci en suivra les phases en ce sens que, ayant débuté animal d'une espèce, il pourra finir animal d'une autre, Après avoir parcouru ainsi presque tout le cycle zoonologique, nous voilà donc parfaitement renseignés sur la manière dont Darwin comprend la formation des êtres vivants. Laissons-le maintenant nous expliquer comment, une fois formé, il se développe. Ce second ordre de phénomène est dit, suivant, lui, à l'action incessante de deux lois qu'il intitule sélection naturelle. Lutte pour la vie. Voyons quel sens il attache à ces lois. Sélection naturelle. Ce qu'on entend par sélection naturelle, le progrès organique, oiseaux qui se font la cour, danse et cotillons, ménage modèle, célibataire et vieille fille, union mal assortie, Darwin et sa traductrice. Tous les êtres organisés, dit Darwin, se transforment constamment depuis des myriades de siècles, sous l'empire de la loi de la sélection naturelle. Or, par sélection naturelle, il faut entendre la loi qui conserve les variations utiles à l'espèce et qui élimine les déviations nuisibles. C'est à cette loi que serait dû le progrès organique. Darwin part de là pour établir comment s'opère le progrès. Allant croire, tous les êtres vivants ont la faculté de choisir librement et spontanément la compagnie avec laquelle ils doivent s'unir pour la propagation de l'espèce, mais encore faut-il que celle-ci ait donné son consentement. C'est alors au mâle à faire valoir leurs avantages, ou, comme il le dit très nettement, à faire leur cour. Que de fois, s'écrit-il à propos des oiseaux, les ai-je vus prendre les poses les plus bizarres et se livrer aux gestes les plus excentriques devant un corps de femelles assemblées. Ces dernières, de leur côté, ne restaient pas insensibles à ces démonstrations, et, quand elles avaient fait leur choix, elles y répondaient par des signes d'intelligence et même des agaceries. Seulement ces choix ne portaient jamais que sur les prétendants les plus gracieux et les mieux tournés. Ainsi s'exprime Darwin. Je ne le suivrai pas plus longtemps sur ce terrain, où il semble se complaire, car enfin y a-t-il un mot de vrai, un seul, dans toutes ces peintures plus ou moins anacréontiques? Sans doute la plupart des oiseaux se marient entre eux et ils ont cela de commun avec beaucoup d'autres espèces animales, leur union pourrait même servir de modèle à plus d'un ménage, témoin la colombe, qui est passée sous ce rapport à l'état de légende. Note. Darwin a fait à cette occasion une remarque assez piquante. D'après lui, la civilisation exercerait sa dissolvante influence jusque sur les oiseaux. Ainsi le canard qui, à l'état sauvage, est monogame, aussitôt qu'il respirait l'air de nos basses cours, se lance dans une polygamie déplorable. Fin de la note. Mais, quant aux minauderies et aux ronds de jambes qui, d'après Darwin, précéderaient l'hymen, j'ai eu beau regarder, j'avoue, pour mon compte, n'avoir jamais rien vu de semblable. J'aurais été charmé, cependant, d'être témoin de quelques-uns de ces cotillons dansés en plein air par d'aussi étranges exécutants. Il paraît, du reste, qu'il en est un peu de la gentellée comme des humains, tout le monde ne trouve pas ainsi à se caser. Surtout ceux ou celles qui ne paient pas de mine, tel sera le coq sans crête, le pensant que, le moineau sans plume. Il y a des mâles qui restent forcément célibataires, comme il y a des femelles qui restent forcément, vieilles filles. Darwin remarque à cette occasion combien la nature est plus sage et plus prévoyante que l'homme. Pourquoi, dit-il, permettons-nous le mariage au bancal, au bossu, au manchot, au cul de jatte, etc., et cela au grand détriment de notre espèce. Mais il ne va pas plus loin. Madame Clémence Royer, cette traductrice, est probablement aussi l'interprète moins scrupuleuse de sa pensée, ne veut, au contraire, ni de ses réserves ni de ses demi-mesures. Non seulement elle prohibe de semblables unions, mais elle refuse le droit de vivre à tout être qui n'est contrefait. Décidément le proverbe italien a raison, tradutore, traditore, traduire c'est trahir. Lutte pour la vie. La vie est un combat, les plus forts dévorant les plus faibles, la lutte perfectionnant les espèces, les transformant, fantasmagorie, ce qui caractérise les œuvres de la nature. La vie est un combat. Darwin s'est approprié cet axiome spiritualiste en le matérialisant. Voici, en effet, comment il s'exprime. À mesure que l'espèce grandit et se multiplie, ses besoins augmentent sans que ses ressources s'accroissent dans la même proportion. Il en résulte bientôt la difficulté de s'approvisionner, de là des luttes pour la vie. Les plus forts nécessairement l'emportent sur les plus faibles, par conséquent, la génération vigoureuse que nous avons dit être issue de mariages si parfaitement assortis reste seule maîtresse du terrain. Voilà donc un premier pas de fait dans l'amélioration de la race. Cependant, cette génération vigoureuse ne tardera pas à procréer à son tour des rejetons plus vigoureux encore, lesquels, ayant plus de besoins à satisfaire, auront de même plus à lutter pour l'existence. Le résultat de ces nouvelles luttes tournera forcément aussi à leur avantage, par l'anéantissement des parents plus faibles dont ils auront reçu le jour, d'où un nouveau perfectionnement de l'espèce. Par l'anéantissement des parents plus faibles dont ils auront reçu le jour, et vous arriverez, par ces extinctions et ces rénovations successives, à la formation des types contemporains. Ainsi, d'après Darwin, chaque nouvelle génération apporte à elle l'espèce à laquelle elle appartient un progrès de plus. Par conséquent, le monde physiologique offrirait l'inverse de ce qui se passe dans le monde moral, si tant est, comme l'affirme Horace, que nos ancêtres, inférieurs à leurs aïeux, aient créé en nous une race pire encore, dont la descendance ira toujours en dégénérant. Il n'y a qu'un malheur pour le triomphe de ce magnifique système, c'est qu'il reçoit des faits le démenti le plus absolu. Si en effet la lutte pour la vie avait donné constamment l'avantage au plus fort sur le plus faible, c'est le plus faible qui aurait dû succomber et le plus fort qui aurait dû survivre, or, c'est précisément l'inverse qui a eu lieu. Ainsi l'ichthyosaure et le plésiosaure, parmi les monstres marins, le dinotherium, le mastodonte et le mammouth, parmi les monstres terrestres, ont disparu en entier de la surface du globe, et cependant, à en juger par leur ossature, ce devaient être de bien terribles lutteurs. Au contraire, de simples fourmis continuent de vivre paisiblement là où vivaient, il y a des milliers d'années, leurs premiers aïeux. Darwin tire encore de ses prétendues luttes pour la vie de graves conséquences, car c'est par elles qu'il prétend expliquer, non plus seulement le perfectionnement des espèces, mais leur transformation. Tout nouvel être, dit-il, présente nécessairement quelques variations. Or, ces variations, pourvu qu'elles soient utiles à l'individu chez lequel elles se produisent, se transmettent généralement à sa postérité. Et comme elles s'accentuent de plus en plus, à mesure qu'elles se répètent, il en résulte qu'elles finissent à la longue par créer des espèces et des races. Darwin se livre à cet égard aux calculs les plus fantaisistes. allant croire, chaque intervalle, figurant une somme de variations suffisantes pour former une espèce bien tranchée, peut représenter 1000 générations, ou mieux encore, 10 000, il peut même en représenter 1 million et jusqu'à 100 millions. C'est à vous donner le vertige. Ai-je besoin d'ajouter que tout ce miroitement de chiffres est de la pure fantasmagorie? Ce qui caractérise les œuvres de la nature, nous le verrons bientôt, ce n'est ni leur perfectionnement ni leur métamorphose, c'est leur stabilité. Markendanarchive.org, 2022, d'après Gallica BNF-FR, licence Creative Commons pas d'usage commercial, partage à l'identique.